adorable, tu es adorable. Adorable, tu es adorable. Tu es adorable, tu es adorable. Unastahili kuabudiwa. Tu es adorable. Unastahili kuabudiwa. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Seigneur, qui est comme toi, Seigneur. Daniel Yekabawa Bwana. Tu as tout promis. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu crées la vie. Tu crées l'univers. Tu crées les cieux et la terre. Qui est comme toi? Mon âme t'adore. Tu crées ma vie. Tu m'as créé. Quelqu'un adore ce grand Dieu. Le grand Dieu. Grand Dieu. Adore ce grand Dieu. Je soupire après toi. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Loin de toi, je n'existe pas. Adore de toi, il n'y a rien. Loin de toi, qu'est-ce qui existe? Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Tu me fais exister devant toi. Tu me traces une place devant toi. me crées un espace dans ta famille. Je suis appelé de ton nom. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Eh mon Dieu. Parle-nous encore. Tu es un homme si éternel. Que puis-je dire à ton Père? Révèle-toi toi-même, Seigneur. À chaque cœur. Explique-toi toi-même. Prouve-toi toi-même. Laisse-toi trouver toi-même. Dans mon cœur. Merci pour ta personne. Asante kwa ajili ya utu wako. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis ta parole. Bariki neno lako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les facettes de la connaissance de Dieu, facettes de la gloire de Dieu, nous continuons. Nous avons parlé hier de sa personne. Jana tulizungumzia utu wake. Alléluia. Amen. Qui sent qu'il est en train d'avancer dans la connaissance de Dieu? La Bible dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Je suis en train de me demander pourquoi Dieu nous amène sur ce terrain ici. Niko najiuliza sababu gani Mungu anatuweka kwenye uwanja huu. En réalité, il veut produire des géants de la foi. Kwa ukweli anapenda walete watu wakubwa wa imani. Dieu est en train de confectionner un homme et une femme de foi. Mungu iko namtengeneza mwanaume na mwanamke wa imani. Parce que la foi, sababu imani, n'est pas un sentiment. Sio hisia. La foi est une réalité spirituelle. Inakuwa ni ukweli wa kiroho. Et la foi est du ressort de l'esprit. Na imani inatokea ndani ya roho. De même la connaissance. Hivyo hivyo kujua. Ginosko en grec. Est du ressort de l'esprit. Kujua inatokea pia ndani ya roho. C'est-à-dire, je connais dans l'esprit. Ni kusema najua ndani ya roho yangu. Je ne connais pas intellectuellement. Sijui tu kwa akili. Mon esprit connaît. Lakini roho yangu inajua. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Utajua kweli na ukweli utawaweka huru. Vous connaîtrez, c'est-à-dire, dans l'esprit. Mtajua inamaanisha ndani ya roho. Les connaissances de l'intellect ne nous amènent nulle part. Ujuzi tunao ndani ya akili hautupeleki fasi. C'est pourquoi je voudrais nous encourager. Na ndio maana ningependa niwatie moyo. À écouter ce message. Tusikilize ujumbe huu. Et faire un effort. Na ujikaze. Que votre esprit est en train d'écouter. Kwamba roho yako ndio iko nasikiliza. N'écoutez pas seulement avec votre intellect. Usisikilize tu na akili yako. Exposez votre esprit. Lakini uweke tayari moyo wako. La connaissance de Dieu. Kwa kumjua Mungu. La Bible dit dans Jean 17:3. Biblia inasema ndani kitabu cha Yohana 17:3. Te connaissent. Inasema kwamba uzima wa milele ni kwamba wakujue. Il n'y a pas de vie éternelle qui ne passe pas par la véritable connaissance. Hakuna uzima wa milele ambao haupitie kwa ujuzi wa kweli. La connaissance c'est pas une simple information. Ujuzi haiko habari tu ambayo iko nyepesi. c'est l'accès à la substance de ce que je connais. Ni kufikia ile ambayo nakuwa ndani ya ile ninayoijua. Connaître Dieu, kumjua Mungu, c'est accéder à la substance de Dieu. Ni kufikia kwa chanzo cha Mungu. Alléluia. Amen. Nous avons vu hier tuliona jana que la facette de l'être de Yahweh que nous appelons la personne de Dieu. Constitue la brèche par laquelle l'interaction Yahweh et créature homme est possible, est rendue possible. Inaonyesha njia ambao mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu inawezekana. Il est possible. Inawezekana. Que l'homme soit véritablement un ami de Dieu. Mwanadamu akuwe rafiki kabisa wa Mungu. Dieu dit un jour. Mungu anasema siku moja. Comment descendrai-je à Sodome? Namna gani nitashuka pa Sodoma? Sans dire ce que je vais aller y faire. Bila kusema ile ambayo naenda kufanya huko kwa rafiki yangu Abraham. Dieu, Mungu, peut commencer à se donner de crédit. Anaweza ou anza, du crédit. Anaweza anza kujipatia deni. Dieu se rend redevable Mungu anakuwa mtu ambaye anapaswa kulipa envers un homme. Mbele ya mwanadamu. Parce que cet homme est devenu son ami. Sababu huyu mtu amegeuka rafiki yake. Et Dieu se dit, je ne ferai pas na Mungu anasema avant d'aller informer. Mbele et ya Dieu fait un voyage et il fait un contour. Na Mungu anazunguka, anafanya safari. Il fait un crochet. Anapitia. Chez Abraham. Kwa Abrahamu. Parce que Abraham est devenu son ami. Sababu Abraham amekuwa rafiki wake. C'est ce que Dieu recherche dans cette assemblée. Na ni hii ndio Mungu anatafuta ndani ya mkutano huu. Il veut créer des Abraham ici. Anahitaji awafanye ma Abraham hapa. Il dit d'Israël. Anasema juu ya Israeli. Vous serez mes fils. Mtakuwa wanangu. Et je serai votre père. Nami nitakuwa baba yenu. Tu nous rapproches un peu trop, Seigneur. Suna tukaribisha sana na wewe Bwana. Tu es si grand. Wewe ni mkubwa zaidi. Le psalmiste a dit, je suis poussière, je suis ver de terre. Mwimbaji akasema mimi ni kama mavumbi. Tu veux faire d'un ver de terre ton fils. Unahitaji ufanye kitu kidogo kama vile mwanako. Mais Seigneur, tu exagères. Bwana sunavuka sasa mipaka. Laisse-nous là dans la petitesse là. Dieu dit non, non, non, non. Mungu anasema hapana. Dans ma personne, ndani ya utu wangu, je désire vous ramener. Nahitaji niwalete karibu nami. Et pour mettre le clou dans cette affaire, na kwa ajili ya kusindiria il va très loin. Jambo, anaenda pour pale. Carrément ili, livrer son propre fils kiakika mtoa mwanawake wa pekee à la mort kwa kufa. Pour achever cette opération. Kwa ajili ya kumalizisha kazi hii. Il a donné son fils unique. Akamtoa mwanawake wa pekee. Il donne. Anapana. J'imagine c'est Jésus le fils de Dieu. Naona huyu Yesu ambaye ni mwana. Donc il est écrit toutes choses a été créées par lui et pour lui. Ambaye imeandikwa kwamba mambo yote yameumbwa naye na kupitia yeye. Cet être là. Christ. Huyu mtu Kristo. Qui renferme toute la divinité. Ambaye anajaa uungu wote. Il se concocte. Anajisusha. Pour devenir un petit être. Il y a quoi comme tout et descendre dans l'utérus. Na asuke hata ndani ya kiumbo ya siri ya mwanamke. Dieu. Mungu. Tu vas dans une utérus. Unaingia ndani ya kiumbo siri. D'une jeune fille. Ya binti ambaye. Tu te décides de te calmer là dedans. Unaamua kuwa kimya umo ndani. Pendant 9 mois. Muda wa miezi 9. Tu cherches quoi? Unatafuta nini? Je cherche l'homme. Natafuta mwanadamu. Qui? Toi et moi. Wewe na mimi. Dieu, mais c'est grave. Mungu si ni hatari. Reste au moins là-bas. Subaki huko. Dites-nous de venir. Utuambie sisi tukuje. Non, moi je descends vers vous. Mimi nitashuka niwajie nyinyi. Je dois vous gagner. Na wapaswa kuwapata nyinyi. Et je paye tous les prix. Na ninalipa bei yote. Que personne ne dise un jour. Na mtu asiseme siku moja. Pour être sauvé c'était difficile. Kwa kuokolewa ilikuwa ni vigumu. Il y avait pas moyen. Hakukukua na ngisi. C'était impossible. Ilikuwa haiwezekani. C'est dans la brèche la personne de Dieu. Ni ndani ya njia ya utu wa Mungu. La personne de Dieu. Utu wa Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Cette science, science hii est très élevée. Inakuwa ya juu sana. Cette science est puissante. Science hii inakuwa na uwezo. Cette science est une puissance. Science hii ni uwezo. La tête de l'homme ne peut pas comprendre ça. Na kichwa cha mwanadamu hakiwezi kuelewa hiyo. C'est trop grand inakuwa ni kubwa pour notre petite tête là. Kwa ajili ya kichwa chetu kidogo hiki. C'est puissant. Ni yenye uwezo. Et il y a malheureusement nakuna kwa des êtres humains wanadamu arrogants ambao wana majivuno na kiburi envers ces dieux mbele ya huyu Mungu. Et qui disent, Nambao wanasema, Seigneur, Bwana, si tu ne me donnes pas une voiture maintenant, je ne vais plus te servir. Kama unipatie gari sasa sitakutumikia tena. Voiture, hein? Gari, hein? Si je suis toujours locataire, j'abandonne le ministère. Kama naendelea kuwa mpangai naacha huduma. Sawa. OK. Tu comprends ce que tu dis? Je unaelewa unayosema. Et ça c'est des personnes qui même ont prétendu qu'ils sont déjà nés de nouveau. Na hawa ni watu ambao wanazania kwamba wamezaliwa upya. Tu veux que je te serve, Seigneur? Unapenda nikutumikie Bwana? Donne-moi d'abord mon mari. Unipatie kwanza mume. Unanipa ma condition. Tu donnes à Dieu des conditions. Ça va. Ok. Ça va. Ça va. Ça va. Ok. Alléluia. Amen. Des êtres humains prétendent même wanadamu wanafikiria Dieu n'existe pas. Mungu haiko. Si Dieu n'existe pas, donc toi tu n'existes pas. Kama Mungu haiko ni kusema na wewe hauko. Parce qu'en fait, sababu kwa kweli, même ce que tu prétends avoir, hata ile ambayo unajizania kwamba unaye, comme souffle, kama vile pumzi, le propriétaire peut récupérer ça. Mwenye nayo anaweza kuichukua. Regardez les sorciers dans leurs réunions. Angalia wachawi ndani ya mikutano. Avec toute leur arrogance. Pamoja na majivuno yao. Ils disent à la fin de cette année. Wanasema mwisho wa mwaka huu. Tunapaswa. Allez toi. Wewe. Et ils sont en train de respirer. Wao wako wanapumua. Si Dieu récupère ce souffle là dedans, kama Mungu anachukua pumzi, tu restes avec quoi, monsieur le sorcier? Unabaki na nini ewe baba mchawi? Madame la sorcière. Mama mchawi. Tu restes avec quoi? Utabaki na nini? Ça c'est juste le souffle. Hii ni pumzi tu. Mais le souffle est dans un corps. Lakini, pumzi le corps c'est une terre. Na mwili nakuwa ni, la terre est à Dieu. Mwili nakuwa ni udongo na udongo que Dieu récupère ce qui est à lui. Mungu achukue iliyo yake. Il prend le souffle. Anachukua pumzi. Et il prend sa terre. Na anachukua na udongo wake. Tu restes avec quoi? Oh, tabaki na nini? Sema sasa. Parle maintenant. Et tu dis Dieu n'existe pas. Na unasema Mungu haiko. Tu es malade. Oh, na gonjwa. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Una nini ambayo hukupokea? Tu as quoi en réalité? Una nini kwa ukweli? Seigneur, tu vois ma beauté là. Bwana, unaona urembo wangu? Comme je suis belle là. Jinsi mimi niko mrembo hapa. Bon, il faut en tenir compte, hein. Inaomba kabisa uangalie. Il faut considérer. Inaomba uangalie. C'est ta beauté, hein. C'est ma urembo wako. Ndio ni urembo wangu. C'est ma beauté. Ni urembo wangu. C'est ma beauté. Ni urembo wangu. Et puis ma tante m'a dit. Na kisa, que les gens belles comme ça là. ukiwa mrembo. Ça doit pas être une femme pour une personne. Haupaswi kuwa mke wa baba moja. Il faut rentabiliser ça. Inomba kuifaidisha. Rentabilise. Faidisha. On t'attend à 7 ans. Tunakungoja kwa miaka 7. Et tu vas rentabiliser. Na utafaidisha kabisa. Tu fais entrer biashara. Et tu fais entrer des affaires là-dedans. Et après? Na kisha. Ma beauté. Urembo wangu. Mon mari. Mume wangu. Tu vas pas aller à l'église. Hautenda kanisani. Il faut pas aller à la prière. Oh, j'ai besoin de toi ce matin. C'est ton mari. Kwa maombi nahitaji na kuhitaji asubuhi ya leo. C'est ton mari. Ni mume wako eh. Mon mari. Mume wangu. Ni wako. Il t'appartient. Tu veux que Dieu le récupère? Unahitaji Mungu amtoe. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Una nini ambayo haukupokea? Et face à cette réalité de la personne de Dieu, na mbele ya huu kweli wa utu wa Mungu, toutes ces bêtises sont tolérées. Haya makosa yote Mungu anayavumilia. Il faut de la puissance inaomba uwezo pour supporter les êtres humains. Ili kabisa uweze kuvumilia wanadamu. Ça coûte de la puissance pour Dieu kabisa inaomba pour nous supporter. Je vais vous montrer quelque chose. Nitaonyesha jambo moja. Il y a des parents ici. Kuna wazazi hapa. Tu as juste 3 enfants. Una watoto tu kufanya hivi. Et il, ça a engendré une phrase. Na imezaa msemwa. Eh bwa rafiki yangu. Mon ami. Tunazalaka mwili atuzalake roho. Nous mettons au monde le mal et ça, c'est le langage des gens qui ont compris qu'ils n'ont pas la puissance. Ils n'ont pas la puissance. Nous mettons au monde seulement les corps, mais pas le cœur. Et les enfants ont commencé à me dribbler. Mais le Dieu des cieux, depuis la création, le commencement, à cause de sa personne, il supporte les êtres humains, les bons et les mauvais, les beaux enfants et les mauvais enfants. À un moment donné, il dit à Moïse, anamwambia Musa, ton peuple là. Moïse dit, Musa nasema hapana. Ce n'est pas mon peuple. Sio taifa c'est ton peuple. Ni taifa c'est anasema ton peuple. Anasema discussion, c'est ton peuple. Moïse dit, c'est ton peuple. Dieu dit, c'est ton peuple. Dieu, à un moment, il a failli être fatigué. Là encore, c'était juste un peuple. Quand Israël est dans un coin, dans un territoire, apa il y a Israël d'autres peuples sur la terre. C'est seul peuple. Dieu dit, Marayu Abaranishinda. Mungu anasema, ce peuple maintenant se complique avec moi. Comme pour dire, ma puissance commence à prendre, à brûler. Ma puissance brûle en moi. Je les consume. Et je vais commencer avec toi, Moïse, un nouveau peuple. Mais Moïse était même marié. J'imagine que donc ma femme aussi part. Nikusema mke wangu naye mes enfants partent. Watoto wangu wanaenda. Non, non, Dieu. Anasema Mungu. Hapana. Tu es suffisamment puissant. Una uwezo sana. Pour supporter ces gens. Kwa ajili ya kuvumilia hawa watu. Dieu t'a supporté depuis longtemps, frère. Ça demande de la puissance. Na inaomba uwezo. Pour qu'il te supporte. Ili aweze kukuvumilia. Regardez maintenant, près de 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Déjà tes 3 enfants, tu n'arrives pas à les supporter. Tu n'as pas assez de puissance pour les tenir. Lui, il supporte des milliards. Les ADF. Ma ADF Nalu. Les Al-Qaïda, Mal-Qaïda, les ingrats, les irreligieux, les fanfarons, les orgueilleux, les méchants, Wovu. Ils les supportent. Ça demande de la puissance. tous les aspects de Dieu demandent de la puissance. Tous les aspects de Dieu démontrent sa puissance. Et ça, c'est supporter les êtres humains juste par rapport à leurs bêtises. Mais chaque être humain, lakini kila mwanadamu, c'est un monde. Inakuwa ni ulimwengu. Eh, mama. Uko dunia nzima pale. Sasa Mungu anakubeba. Maintenant Dieu te prend. Avec tes soucis. Pamoja na mashaka zako. Avec tes crises, avec pamoja na ukosefu wako. Tout ça là, tu sais quoi? Ile yote ile. Dieu le porte. Mungu anaibeba. Et il ne dit pas, Nasem, maintenant je suis fatigué de vous, laissez-moi. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Bwana asante kwa ajili ya neema yako. Grâce insondable. Neema isiyo na kipimo. Grâce insondable. Neema isiyo na kipimo. Sur la terre, duniani, si un être humain kama mwanadamu, rate de bénéficier de la personne de Dieu, anakosa kufaidia utu wa Mungu, il n'y a pas d'autre possibilité pour lui. Hakuna tena uwezekano mwingine kwake. Dieu a un grand cœur. Mungu ana moyo mkubwa. Et c'est là, hein, le Lingala dirait, esika tobikelaka. Na walingala wanaweza kusema nafasi tunapoponea. Yesha kidi na ubine la kawapi eh? Sasa ubike la kawapi. Unaponea kawapi? Tunaponea kapale. C'est là que nous avons notre guérison. Utu wa Mungu, sa personne. Dans la personne de Dieu. Et nous avons vu les quatre éléments qui constituent cette personne de Dieu. Na tuliona mambo ina ambayo inaunda hiyo utu wa Mungu. Ses desseins, kuna mipango zake, son caractère, kuna tabia yake, sa personnalité, na kuna uka, kuna msimamo wake, sa personnalité, msimamo wake. Alléluia. Amen. Et cette puissance, na hii uwezo, depuis le commencement, tangu mwanzo, est déployée, imewekwa, pour concevoir l'homme, kwa ajili ya kumtengeneza mwanadamu. Pour jeter les bases de l'existence de l'homme. Et pour jeter les bases du fonctionnement et de l'existence sur la terre. C'est-à-dire la vie quotidienne et dans tous les siècles de l'homme. Jusqu'à ce que Dieu va déplacer les choses pour que nous amener dans son éternité, dans sa félicité. Il y a un long voyage où Dieu déploie sa puissance pour gérer, pour accompagner, pour pourvoir aux besoins, nourrir, guérir, protéger l'avion, garder la moto sur laquelle tu montes, gardez tes pneus pour que les pneus n'échappent pas et vous fassiez le tonneau. Dieu Mungu, grâce à sa personne, kupitia utu wake, il se dispose anajiweka tayari pour nous, kwa ajili yetu, pour notre séjour sur la terre, kwa ajili ya maisha yetu duniani. Après avoir lancé les bases de l'existence de l'être humain, après avoir conçu l'être humain, il continue à se charger de veiller sur cet être humain avec comme seule motivation: être humain, comprends mon amour, tourne-toi vers moi pour que je te donne plus. Si tu découvres qui je suis, je vais te donner plus. Mais l'homme a choisi de se contenter du peu qu'il a déjà. Inatosha. Laisse-moi. Naenda ku vallée de l'ombre de la mort. Je vais partir à la vallée de l'ombre de la mort. Tano hapa. Amène 5 bouteilles ici. Tano. 5. Bon, ita bale badada wiko na ikala kule. Appelle les sœurs là qui sont. Di le gars là n'a pas d'argent, vous trois ule ici. Ule kijana ule hana pesa. Nyinyi watatu mkuja hapa. Uko nguvu kwe. Ah, tu es fort. Tu es puissant quoi. Ah, una uwezo kabisa. Tu es puissant, hein. Una uwezo, una nguvu. Sawa. OK. Ongeza casier mbili hapa. On monte encore des casiers ici. Et les dada manifestent les richesses. Na wadada wanaanza onyesha sasa utajiri. Pour manger la proie. Ili wakule ile. Tu as l'impression que c'est toi qui es puissant. Unawazia kwamba ni wewe ndio na uwezo. Tu es une proie. Lakini wewe uko mateka. Tabani. Et puis les amis te soulèvent. Na kisa warafiki wanakunyangula. Te ramenesha tu. Ili wakurudishe nyumbani kwako. Tu viens d'attraper un peu des IST. Na umepata magonjwa ambayo unapitia kwenye viungo vya siri. Tu viens vomissant. Na kisa unarudi ukitapika. Et ta femme t'attend. Na mke wako anakusubiri. Pour t'essuyer. Ili aanze kuosha sasa. Ta femme te suit. Na mke wako anakuosha. Sheri unatoka wapi? Mpenzi wangu, unatokea wapi? Unachapa. Madame, où est la nourriture? Maman, chakula kiko wapi? Pantalon chaloana. Eh, le pantalon est déjà mouillé. Les enfants sont honteux. Watoto wanasikia haya. Ils ont envie de se cacher sous les lits. Wanatafuta kujificha hata chini. Parce que le roi de la famille. Sababu mfalme wa jamaa. Vient d'arriver. Amefika. Quel roi puissant dehors. Puissant à la maison. Puissance de honte. Et le matin. Na subuhi. Madame doit arranger les habits, les draps. Mama anaanza kutengeneza mavazi. Et le roi se réveille. Na mfalme anaamka. Il faut un peu de kamundele. Wana mutengenezea kamundele. Ukasele mulombe. Ili waondoe mulombe. Et madame nettoie les draps qui sont remplis de vomissures. Na mama ananza kufua vile vyote vinavyojaa mitapiko na nyumba inanuka. Ça sent. Inanuka. Cette femme est puissante. Mwanamke ana nguvu. Elle a eu une dose de la puissance de Dieu pour te supporter. Mais sache une chose, la patience de Dieu a des limites aussi. Même la patience de ta femme. Et quand tu sors, tu vas au travail. La femme va dans la chambre. Elle commence à pleurer. Seigneur, Buana, tu m'as donné quel genre de roi? Et quand elle regarde dans tes habits, il y a des capotes. Na napoangalia ndani ya mavazi yako kuna kapoti. Et le bulletin de paye. Na kuna bili ambayo kuna kikaratasi cha kuonyesha mshahara wako. Le bulletin de paye. Kuna kikaratasi cha kuonyesha mshahara wako. Mais l'argent n'est plus de là. Lakini pesa haikuwake tena. L'argent est resté là-bas. Pesa ilibaki huko. À 9h les enfants rentrent. Pasa tatu watoto wanarudi. On m'a chassé de l'école. Wali nifukuza shuleni. Et mama rentre dans la chambre pour pleurer. Na mama anaingilia ndani ya chumba anaanza kulia. Et à 15h le bailleur arrive. Na pasa tisa bosi mwenye nyumba anafika. Ça fait déjà un mois et 15 jours vous n'avez pas payé les loyers. Mwezi moja siku 15 hakujalipa nyumba kupanga. Une semaine pour sortir. Na wapatia tu wiki moja ili muondoke. Et mama rentre dans la chambre. Mama narudi tena ndani ya chumba anaenda kulia. pour demander un peu de la puissance de cette personne-là. Seigneur, toi qui supportes ce genre de choses dans l'univers, qui supportes des milliards de gens comme ça, donne-moi une portion pour que je supporte ces messieurs. Alors fais comment? Tu restes dans ces choses-là? Ou tu sors? Tu choisis de rester dedans? Una chagua kubaki ndani? Sache que le jugement aussi est prévu. Le Dieu qui a supporté l'humanité dans cet état de fait, quand tout sera à la fin et qu'il va monter sur son trône de jugement, il y a un élément dans sa personne qu'on appelle le caractère où il y a des lignes de conduite. Il y a des principes établis. Dieu va être sans pitié. Mungu hata kuwa na huruma. Il sera sans pitié. Atakuwa hana huruma. Lorsque le trône du jugement va venir, wakati kiti cha hukumu kitafika, ujipange sawa sawa. Metua la ligne. Il n'y a pas de négociation. Hakuna hapa kuzungumza. Il n'y a pas d'avocat. Hapa hakuna mtetezi. L'avocat Jésus, ule mtetezi wetu Yesu, a comme mandat d'exercer sa carrière jusqu'au jour où il monte sur le trône du jugement. Il n'y a plus d'interprète, il n'y a plus d'avocat. C'est aujourd'hui qu'il te défend. Le jour vient siku moja inakuja où il va enlever le corbeau noir blanc ambao ataondoa ile vazi la uendesha mashtaka wa watetezi. Il va enlever ça na ataiondoa et il va mettre sa couronne. Na kisha sasa ataweka, c'est le roi, ataweka taji lake kama vile mfalme mwamuzi. C'est fini. La blague que nous avons aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Inaisha. Celui qui doit aller en affaires, va en affaires. C'est sans négociation. Ni bila kuzungumza nyingi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Je kuna mtu aliye hapa. Est-ce que tu écoutes? Je unasikiliza. Je disais tout est puissance en Dieu. Nilikuwa nikisema kwamba yote ni uwezo ndani ya Mungu. Vous allez constater ceci. Mtagundua hii. Que les choses pour lesquelles nous demandons à Dieu de montrer sa puissance, mambo ambayo tunamwambia Mungu onyeshe uwezo wake, ce sont des petites choses. Yanakuwa mambo madogo. Regardez. Tazama. La quantité de puissance que Dieu déploie ne fût-ce que pour gérer l'humanité. Quand je dis l'humanité, je parle des êtres humains. Par rapport à la puissance dont toi tu as besoin pour enlever un cancer, ça c'est rien quoi. Dieu a tellement de puissance. Mungu ana uwezo zaidi. De puissance en activité. Uwezo unaotumika. Que na hata nos petites requêtes. Hii mahitaji yetu ndogo. Nos petits besoins. Hii mahitaji yetu ndogo. Sont tellement légers. Inakuwa nyepesi sana. Pour que Dieu ne soit pas capable de les régler. Ili Mungu asiwe na uwezo wa kuitatua. Et âme monte dans la compréhension de ce que Dieu est. Quand l'homme monte, ginosko, il monte dans la connaissance. Et qu'il comprend la puissance de Dieu dans sa réalité, dans son ampleur, dans son étendue. Et que Dieu t'envoie pour prier pour un malade. La maladie va s'en aller avant même que tu n'y arrives. Vous comprenez, frère? On est les Wandog. Les problèmes que nous avons comme individus, comme famille, comme collectivité, sont des petits problèmes par rapport à l'ensemble de la puissance de Dieu. Il y a suffisamment de puissance en Dieu pour arrêter un démon dans ta vie. Et lorsque tu chasses les démons, na wakati unafukuza mapepo, au nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu Kristo, si tu as eu le temps de te rendre compte de qui est Jésus, kama umepata muda wa kuelewa Yesu ni nani, le démon saura d'avance, pepo itajua mbele, que bah tu as eu vie, les personnes comme celle-ci, benzangu, mes amis, bah tu as eu vie, les personnes, tout ce que tu n'as bangoya, ils ne font pas les attendre, il faut partir avant, inomba kuenda mbele. Parce qu'une femme, un homme, est devenu terrible. Dieu dit Mungu anasema, à David, anamwambia Daudi, rappelez-moi les trois phrases. Munikumbushe maneno, David, itato. Daudi, allons-y bien. David, Daudi. Et puis, Nakisha. Et Dieu, Namungo. Hein? Dieu, Dieu le rendit redoutable à toutes les nations. Mbele ya mataifa yote. Un homme peut devenir redoutable. Mwanadamu anaweza kuwa kuogopesha. Lorsque la kabod wakati utukufu wa Mungu vient dans sa vie. Inakuja maishani mwake. Frère, sœur, toi qui m'écoutes. Ndugu, kaka na dada, mets cette parole en pratique. Timiza neno hili. Et tu vas devenir redoutable. Na utakuwa mtu wa kuogopesha. OK, allons-y un peu plus en détail. Tuingie kilindini. Nous prenons la troisième facette de la de l'être de Dieu, de la gloire de Dieu. Tunachukua uso wa tatu, sa puissance. Inakuwa ni uwezo wake. Sa puissance. Uwezo wake. Alléluia. Amen. Dans Romains 1:21, il est écrit. Warumi moja ya 21 imeandikwa. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Kwa kweli ukamilifu usio sa puissance éternelle et sa divinité na uungu wake se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tangu kuumbika kwa dunia tunapomwangalia ndani ya kazi ya mikono yake. Inexcusable. Ni kusema hawastahili kusamehewa. La puissance de Dieu wa Mungu se voit dans divers méandres de l'existence et avant l'existence. Na mbele hata ya kuwa. Et j'aimerais nous donner trois facettes na ningependa ni wapatie nyuso tatu dans lesquelles se déploie la puissance de Dieu. Ama mwake, la première facette, ce sont ses œuvres ou ses ouvrages. Na uso wa kwanza inakuwa ni matendo yake ya makazi ya mikono yake. Et ses perfections invisibles. Imeandikwa ukamilifu wake usionekana. Quand on les considère. Tunapoiangalia. Dans ses ouvrages. Ndani ya kazi ya mikono yake. Dans ses ouvrages. Ndani ya kazi ya mikono yake. Alléluia. Amen. Je disais tantôt tout aspect des choses qui concernent Dieu est une démonstration de puissance. Une démonstration de puissance. Dans Hébreux 1:3, il est écrit: étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses. Quelle est la chose qui existe et que Dieu ne soutient pas? En fait, que je voudrais dire, quelle est la chose qui existe et qui n'est pas concernée par la puissance de Dieu? La puissance. Wezo. Qui se manifeste pas les ouvrages. Abona onekana kupitia kazi ya mikono yake. Psaume 150 nous dit: Zaburi 150. Louez l'Éternel. Msifuni Mungu. Dans l'étendue où éclate sa puissance. Kila nafasi ambapo uwezo wake unaonekana. On pouvait dire: dans l'étendue où se manifestent ses ouvrages. Ndani ya uwanja wote ambao kazi za mikono zake zinaonekana. Les ouvrages. Kazi za mikono yake. Quand nous disons ouvrage, tunaposema kazi, nous voyons la terre. Tunaona dunia. L'univers, tout ce qui est dedans, la manière dont Dieu les a agencés, chaque planète sur son orbite, pas de coalition, gestion de l'univers, gestion des astres, gestion des mers. Un jour j'étais à Mombasa avec madame. Et on était à la plage. Et puis il y avait un monsieur qui travaille là-bas. Et il y avait des pirogues. Et il a dit quelque chose qui a attiré notre attention. Parce qu'il y avait des petits bateaux, pirogues qui allaient jusque quelque part. Et puis c'était comme une limite. Sababu kulikuwa mitumbo ambayo ilienda na hadi nafasi fulani na ilikuwa kama mpaka. Na kulikuwa wavuvi. Cet homme nous dit. Na huyu mtu anatuambia. Quand on lui a posé quelques petites questions. Wali tulipomuuliza swali kidogo. Il dit. Anasema. Les pirogues, les autres choses que vous voyez là. Mitumbo yote mnayoona hapa. C'est limite là-bas. Inaishia pale. Hii ndio bahari yetu. Et c'est ici notre lac. Mais après cet endroit là. Na kisha nafasi hiyo. Ile ni bahari ya Mungu. C'est le lac de Dieu. C'est à l'océan. Inakuwa ndani ya bahari kubwa. Et il dit, na nasema, si tu vas même avec la pirogue, ukienda pamoja quand tu arrives là-bas, unapofika hapo, tu commences à sentir d'autres odeurs. Unapasa anaza sikiliza harufu ingine. Inanuka namuna ingine. Harufu ingine. Et tu sens que, il faut que je rentre. Na unasikiliza kwamba sheti nirudi. C'est seulement les gros bateaux de l'océan là. Ni mashua tu kubwa qui navigue là-bas. Ndizo zinaweza kupitia hapo. Là-bas. Lakini sisi hatuendi huko. Ça c'est la partie de Dieu. Hii inakuwa ni sehemu ya Mungu. Et Dieu contrôle. Na Mungu anaongoza. Même cela. Hata na hiyo. Les gars disent là-bas. Anasema il y a des gros animaux. Kuna kuwa wanyama wakubwa wakubwa. Si tu vas avec nos trucs ici, tu sais fini pour toi. Na ukienda pamoja na mitumbu yetu hii, mambo maisha yako yamekwisha. Dieu contrôle. Mungu anaongoza. Les ouvrages. Kazi. Mais les ouvrages, lakini kazi hizi za mikono, Dieu n'est pas venu les trouver. Mungu akukuja na kazi kutana. Dieu les a conçus. Mungu ndiye aliyezitengeneza. Les a lancés. Na akaziweka. A fixé leurs limites. Na akaweka mipaka yao. A fixé leur fonctionnement. Akaweka namna kutumika kwao. A décrit jusqu'où ça peut aller. Na akaanza kufasiria na hadi wapi na nafasi gani za kwenda. Hata bahari kubwa. Dieu dit. Mungu anasema. À Job. Anamwambia Yobu. Tu sais où j'ai placé les limites de la mer? Je unajua mahali gani niliweka mipaka ya bahari? Même quand les eaux sont terribles, hata wakati maji yanakuwa hata, Dieu a fixé une frontière. Mungu aliweka mpaka. Vous ne traversez pas ici. Apa hamuvuke. Ça c'est pour les hommes. Apa ni kwa ajili ya wanadamu. Ça c'est pour vous. Na apa ni kwa ajili yenu. Et les eaux respectent. Na maji malgré leur puissance. Ijalisi uwezo wao. Sauf quand il y a des catastrophes. Ni wakati tu kuna hajali. Et quelquefois c'est des catastrophes permis par Dieu. Na mara inakuwa ni hajali ambayo vous entendez le tsunami. Unaposikia tsunami. Ça dit Dieu a enlevé juste la digue. Ni kusema tu Mungu ameondoa tu surnaturel. Mungu analeta kitu ambacho la limite invisible. Et les eaux sont venues, ils ont ravagé la terre. Na maji yakakuja yakashambulia ulimwengu. La puissance. Uwezo de Dieu. Wa Mungu. Quand on les regarde dans ces ouvrages. Tunapomwangalia ndani ya kazi ya mikono yake. Et moi je fais partie des ouvrages. Nami ni mmoja wapo wa kazi ya mikono ya Mungu. Et toi, tu fais partie de ces ouvrages. Na wewe uko miongoni mwa kazi ya mikono yake. Et quand on parle ouvrage, na tunapozungumzia kazi ya mikono, on parle de l'ouvrier. Tunazungumzia anayetumika. Et l'ouvrier na mtumishi n'arrête pas son travail malizi kazi yake sans l'avoir achevé. Bila kuimaliza. Si je suis son ouvrage, kama mimi ni kazi ya mikono yake, il travaillera sur moi. Atatumika juu yangu. Jusqu'à ce que je vais quitter la terre. Hadi wakati nitakapotoka duniani. Mais il travaillera avec quoi? Lakini atatumika pamoja na nini? Avec sa puissance. Pamoja na uwezo wake. Sa puissance. Uwezo wake. Dieu tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, à l'eau s'élève et chante, Dieu tout puissant. Que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout puissant, que tu es grand. Mais le strophe suivant est terrible. Pambio inayofuata inakuwa hatari. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi. On peut même arrêter là. Unaweza kuishia hata hapo. Il a pensé à toi. Akakufikiria wewe. Quelle puissance. Uwezo gani. Mais tu pouvais m'oublier, laisse-moi. Je suis un petit pécheur. Je suis coupable. Je mérite l'enfer. Il dit non, non, il mérite l'enfer. Mais je vais faire une œuvre, un ouvrage, un travail sur ces pécheurs-là. Qu'ils viennent aussi dans ma maison. Puissance. Uwezo. Amen. Quand vous lisez Genèse, unaposoma ndani ya kitabu cha Mwanzo, chapitre 2 verset 2, il est écrit. Mstari sura 2 mstari wa 2, imeandikwa na Mungu acheva son œuvre. Akamaliza kazi yake. Il acheva son ouvrage. Akamaliza kazi ya mikono yake. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et si tu regardes avec moi dans Job chapitre 38 jusqu'au chapitre 41 ou 42, 6. Ukiangalia pamoja nami kitabu cha prenez votre Bible, on va un peu naviguer là-dedans. Mchukue Biblia yenu tutaangalia hapo. Il y a une discussion importante. Kuna hapa mabishano ya muhimu. Entre ce créateur kati ya huyu muumbaji et un être humain. Na mwanadamu. 38. Makumi tatu na nane. Tu vas lire tout à la maison à partir du verset des chapitres 38 jusqu'au chapitre 40, au chapitre 42 jusqu'au verset 6. Hadi sura ya makumi ine na mbili. Bwana sifiwe. Amen. Kekepe aklame Dieu comme ça. Kuna mtu anaweza kumshangilia Mungu Mwenyezi. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Est-ce qu'on peut voir ça? Premier verset 38. Shaili la kwanza, makumi tatu na nane. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Halafu ya wakamjibu. On peut aller ensemble, verset 2. Zoruba, nakasema, shaili la pili. 1, 2, 3. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, s'interrin comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Unajua, bila shaka. Ou qui a étendu sur elle le cordeau, et sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer à la mer avec les portes quand elle s'étend? C'est l'ensemble du sein maternel, etc. Regardez, allez un peu plus loin, chapitre 39, verset 36. 39-36. À la maison, vous allez lire toute la discussion. Chapitre 39, verset 36. Allons-y. Job répondit à l'Éternel et dit : voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois. Je ne parlerai plus. Deux fois, je n'ajouterai plus. Tu parles, tu discutes avec Dieu. Oh Seigneur, pourquoi? Seigneur, il y a beaucoup de pourquoi dans nos bouches ici. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, pourquoi tu as permis? Attention. Angalisho. Dieu risque de venir faire la discussion. Mungu anaweza kuja anaanza fanya mabishano. Qu'est-ce que tu vas répondre? Wewe utajibu nini? Job dit, Yobu anasema, je mets la main sur ma bouche. Naweka mkono wangu kwenye kinywa. Malgré que Job vient de s'humilier et mettre sa main sur la bouche, ijalishi Yobu amejishusha na kinywa chake, Dieu continue à parler. Akitia mkono wake kwenye kinywa chake, Mungu anaendelea kusema. Dieu continue à parler. Mungu anaendelea kusema. Regardez. Tazama. Chapitre 40. Sura makumi. L'Éternel répondit à Job. Yawa kendelea kumwambia. Imilie la tempête dit, cet terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Je una mkono kama wa Mungu. Mungu Baba. Ongea sasa. Parle maintenant. Uko na mkono sa ya Mungu? Est-ce que tu as un bras comme celui de Dieu? Dieu dit à Job, Mungu anamwambia Yobu, moi mon bras a fait tout ça. Mimi mkono wangu umefanya yote. Toi aussi montre ton bras. Sasa na wewe onyesha mkono wako. As-tu un bras? Je una mkono? Demande à ton voisin. Uliza jirani yako. As-tu un bras? Je una mkono? Utu tu mkono twetu tunaona tunyanguru na piga bibi. No bra ici. Tu lèves ta main. Tu gifles ta femme. Est-ce que tu as déjà conçu une femme? Tu as déjà créé une femme. As-tu un bras qui a fabriqué une femme? Tu as un bras qui a fabriqué une femme? Tu as le droit de frapper dessus. Tu as un bras qui a fabriqué une femme? Tu as un bras Commence à lutter avec les et nous allons voir si tu ne vas pas rentrer. Il y a déjà laissé tes souliers là-bas. Dieu dit à Job, as-tu un bras? Dieu a un bras. As-tu un bras comme Dieu a un bras. Celui de Dieu? Kama mkono wa Mungu. As-tu une voix tonnante comme celle de Dieu? Dieu a sauti ya kunguruma kama ya Unaweza ongea wewe. Est-ce que tu peux parler? Ôte-toi. Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère. Allez, Sirika. Quand Dieu te commence à te dire, ok, fâche-toi. En fait, il veut dire, quand moi je me fâche, je suis suffisamment puissant. J'ai suffisamment de provision pour ma colère. Ok, les paniers vont Tazama. Tu peux te fâcher. Unaweza kasirika. Tu n'as pas de capacité d'exécuter ta colère. Hauna uwezo wa kutimiza kasira yako. Na colère yako haina nguvu. Et dans ta colère, il n'y a pas de puissance. Yeah. Et dit ok. Anasema sawa. Tu sais te fâcher. Unajua kasirika. Ok, fâche-toi. Sasa kasirika, tuone. Quelle est la puissance? Ni uwezo kani? Que tu as de ta colère. Ambayo unayo juu ya kasirani yako. Je minisha sirika. Moi je suis fâché. Sirika. Ok, je, puis ça fait quoi? Je suis sirika. Fâché. Kisha nini? Sirika tu? Una sirika. Sirika. Tu te fâches, fâche-toi. Tu utajiluma. Et puis tu vas te mordre. Vous voyez frère, sœur. Unaona ndugu dada na kaka. Dieu dans ses ouvrages. Mungu ndani ya kazi ya mikono yake. Et Dieu reconnaît que c'est lui. Na Mungu anatambua ya kwamba ni yeye. Qui a lancé ses ouvrages. Ambaye alifanya kazi hizi. Qui détient ses ouvrages. Ambaye anashikilia kazi hizi. Qui connaît les bases de ses ouvrages. Ambaye anajua misingi ya kazi hizi. Et qui garantit même le fonctionnement de ses ouvrages. Na ambaye anahakikisha hata kutumika kwa hizi kazi zote. À la fin des comptes. Na kwa mwisho. Je pense Abraham avait envie de disparaître dans la terre. Job, de disparaître dans la terre. Au chapitre 42, à partir du premier verset, écoutez ce que Job répondait. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job fait le résumé. Il dit, tu as posé la question, qui obscurcit mes desseins? Yobu anafanya kifupi, anasema, nani amba anaweza kuvuruga mipango yangu? Il est en train de faire une synthèse. Anakuwa kifanya kifupi. Mungu umesema hivi. Dieu t'a dit comme ça. Na mimi najibu hivi. Et moi aussi je réponds comme ça. Regardez ce qu'il dit. Sikiliza anayoisema. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Et Job dit, oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Je ne conçois pas. La médecine peut raconter des choses. Mais il y a des choses que les médecins ne conçoivent pas. Même les chercheurs dans le domaine médical, ils ne conçoivent pas. Job dit que je ne conçois pas. Yobu anasema siwezi weza kuyafikiria. Il donne la deuxième assertion de Dieu. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est ce que Dieu avait dit. Mungu alisema nisikilize, Job répond, nitakufundisha na Yobu anajibu. Mon oreille avait entendu parler de sikio langu toi. Lisikia maintenant mon oeil t'a vu. Na sasa jicho langu limekuona. Écoutez-moi ici. Unisikilize hapa. Nous utilisons souvent cette phrase dans la prière. Tunatumia sana msemo huu ndani ya maombi. Si vile. C'est comme ça, non? Si tunasema ka Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi. Auyeb yuko naongea. Tunasema Bwana sikio langu lilisikia wakisema juu yako. Maintenant mon oeil t'a vu. Tu vois ce que c'est dont Job parle? Voilà le contexte. Mon oeil a vu quoi? Tazama mazingara ya maandiko haya. J'ai envie de me cacher. Jicho langu limeona nini? Ce n'est pas mon oeil a vu les miracles. Sio kusema jicho langu limeona miujiza. Mon oeil a compris. Lakini jicho langu limeelewa. Ila ambayo wewe uko. J Je comprends, Seigneur, naelewa Bwana, ce que tu es. Ila ambayo wewe uko. Et pour la deuxième fois, na kwa mara ya pili, verset 6, Job dit, shaili la sita Yobu anasema, c'est pourquoi ndio maana, je me condamne, ninajihukumu, et je me repens. Na ninatubu. Ensuite, na kisha, je me repens sur la poussière. Ninamwangika kwenye, parce qu'il voulait dire, kwenye mavumbi. Ma bouche là que j'ai osé ouvrir là. Hii kinywa changu ambao nitafuta kufungwa hiki. Je la cache dans la poussière. Ninakitoa na ninakificha ndani ya mavumbi. Ficha kinywa hiki. Je vais cacher cette bouche ici. Dans la poussière. Ndani ya mavumbi. Face à quoi? Mbele ya nini? Aux ouvrages. Mbele ya kazi ya mikono ya Mungu. Qui est constitue la première facette de la puissance de Dieu. Je devrais plutôt dire constitue la énième facette. Parce que la deuxième facette que je vais vous montrer, permettez qu'on termine ce point, comme ça demain on va aborder le deuxième chapitre. La deuxième facette de la puissance de Dieu, c'est l'existence. Uso wa pili wa hii uwezo wa Mungu inakuwa ni kukua. Ça c'est le terrain sur lequel aucune créature ne peut jouer. Hii ni uwanja ambao hakuna kiumbe kingine ambacho kinaweza kuchezea. Vous savez, nous les hommes, unajua sisi wanadamu, nous pouvons jongler avec ce qui existe déjà. Tunaweza kucheza na ile ambayo iko tayari. Seul Dieu. Lakini Mungu yeye mwenyewe peut parler de ce qui n'existe pas. Anaweza kuzungumzia ile ambayo haiko. Et seul Dieu na Mungu yeye mwenyewe détient la puissance pour agencer ce qui n'existe pas. Kwa ajili ya kuleta ile ambayo haiko. Pour amener à l'existence ce qui n'est pas là. Kwa ajili ya kuleta kuwa ile ambayo haiko. Je vous ai déjà parlé de ça avant-hier. Nimeshawazungumzia hii juzi. C'est Dieu, Mungu huyu, au commencement, mwanzoni, il a engendré l'existence par sa puissance. Et au commencement, il dit, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu libère l'existence. Quand vous lisez le verset 2, la terre était informée vide. La terre fait partie de l'univers que Dieu a déjà agencé. À partir du verset 2 jusqu'à la fin du chapitre 1, Dieu est en train de travailler sur une portion de l'univers dans le but d'y installer le personnage pour lequel il vient de créer cet univers. Dieu travaille maintenant. Il crée les herbes. Il arrange les étoiles. Il fait les choses. Mais il est en train de les arranger à partir de l'existence qu'il a déjà libérée. La puissance de Dieu se révèle par l'existence. La puissance qui libère l'existence, qui engendre l'existence. Troisièmement, la création. Jean 1:3. Yohana, vous connaissez ce texte. Au commencement était la parole, la parole était faite sans la parole, et tout a été fait par elle. Donc Dieu crée d'abord la matière initiale avec laquelle les ouvrages, les ouvrages, kazi za mikono yake zote vont être exécutés. Zitaweza kutimilika. Maintenant suivez-moi. Sasa mnifuate. Qu'est-ce que nous retirons de ça? Nini ambao tunaweza de cette facette la puissance de Dieu? Ndani ya hii uso. Et ça, ce n'est juste qu'une petite portion. de ce que l'on peut connaître de la puissance de Dieu. Parce que tout démontre la puissance de Dieu. On l'appelle l'Éternel des armées. Tout est arme pour Dieu. Les moustiques sont des armes. Tu attrapes un moustique sur le mur, tu frappes et ça meurt et ça disparaît. Mais Dieu appelle toutes ces choses-là, na kisa Mungu anaita mambo haya yote, ses armées, kama vile majeshi yake. Il suffit qu'il dote les moustiques, inomba tu apatie ile imbu, de puissance, aipatie uwezo. Et en Égypte, na uko Misri, ils ont des ennuis. Les mouches, imanzi, Dieu le dote Mungu de sa puissance. Anawapatia uwezo wake. Et dans tous les pays d'Égypte, na ndani ya nchi ya Misri yote, c'est la catastrophe. Inakuwa ni hatari. Mouche. Hii mouche tunahiuaka, hiko muwese, hiko mwa tunazoziua kila mara. Les mouches aussi font partie de l'armée de Dieu. Hizi inakuwa ndani ya jeshi la Mungu. Les ténèbres. Giza. Une armée de Dieu. Inakuwa ni jeshi la Mungu. En Égypte. Misri. Et Dieu intensifie les ténèbres. De telle manière que les Égyptiens touchent les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres c'était si épaisse qu'on pouvait les toucher. Tu es puissant d'une autre manière. Tu es puissant plus que ce qu'on l'on dit de toi. Mungu ana uwezo kushinda yote wanayosema juu yake. Vraiment grand. Mkubwa zaidi. Que les mots du dictionnaire. Hata kupita maneno ya kamusi. Tu es puissant. Yeye ni mwenye uwezo. Tout ce que tu fais est à ta taille. Yote anayofanya nakuwa ni kwa kimo yake. À ta taille. Kwa kimo yake. Tout ce que tu fais à ta taille. Yote unayofanya inakuwa ni kwa kimo yako. Maintenant écoutez-moi. Sasa munisikilize. À cause de la personne de Dieu. Sababu ya utu wa Mungu. Nous avons la possibilité. Tuna uwezekano. De recevoir. Ya kupokea. De cette gloire là. Kutokea utukufu. Lorsque ce Dieu là. Wakati Mungu huyu. Décide. Anaamua. De venir habiter. Akuja kae. Dans notre cœur. Ndani ya moyo wetu. Il dit j'habiterai au milieu de Anasema, hey! Et Dieu vient dans ton cœur. Na Mungu anakuja ndani ya moyo wako. Il s'assoit dedans. Na anaketi ndani. Pas la photo de Dieu. Hapana picha ya Mungu. On va parler de ça demain. Tutazungumzia hii. Levons-nous. Tusimame. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui montre ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois et ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit, le jour. Tu es puissant, tu es puissant. Que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand. Que tout ce que l'on dit si bas, tu es puissant, tu es puissant. Que le monde du dictionnaire. Tellement grand, tellement grand. Tout ce que tu fais, ta taille. Mon Dieu. fais ceci. Ça, ça unafanya hivi. Tu mets dans la main gauche. Unaweka ndani ya mkono tous tes problèmes. Shida zako zote. Et dans la main droite la puissance de Dieu. Ndani ya mkono wa kuume utaweka uwezo wa Mungu. Et tu commences à prier. Na unaanza kuomba. Parle à ce Dieu qui a cette puissance. Ambia huyu Mungu ana uwezo huu. De ces problèmes qui que tu as dans ta main gauche. Parle à Dieu. Wa kushoto na tumwambie Mungu. Regarde ce que Dieu est capable, ses capacités. Angalia ile ambayo Mungu. Et regarde tes problèmes. Naanza kuangalia shida zako. Commence à parler à Dieu. Naanza kumwambia Mungu. Montre-lui ses problèmes. Unaomba naona ishi. Et parle de sa puissance. Na umzungumzie uwezo wake. Seigneur. Tu es si puissant. Tu es puissant comme ça, Seigneur. Mais voici mon problème. Quelqu'un prie le Seigneur. Prie suffisamment. Discute, prie. Omba. Vas-y, parle. Parle au Dieu tout puissant.